bien le mal, ça fait couler des larmes, ça nous rend végétal. On passe toujours des mains blanches au massal, tout est bien qui finit mal. La vie, la mort, ça divise tout ton corps, ça crée un faux départ. Quand l'homme qui vient d'entrer, c'est le même qui sort. Une double vie pour une seule mort. Arrose-moi du soir au matin, fais couler ta vie dans mes veines. Moi, j'suis en train de sécher dans mon coin, poigné entre l'amour et la haine. Ça divise mal la semaine, le cœur vide la bouche pleine. Pendant que la vie cherche à briser ses chaînes, la mort fait des nœuds dans mes veines. La la la la la. Quand t'as pas le choix de tout connaître, tu prends ta petite mesure. Quand on se choisit disparaître, tu prends le corps qui prend le sur. C'est bête, ma tête me fait mal au cœur. Je crains la tempête comme une fleur. Je deviens terne puis je m'enferme encore plus creux. La peur me serre sous les yeux. Découvre ton sein. Chanson noire.